Chapitre 12e. « Je ne sais ce qu'a Antonine, » dit 15 jours après Madame Karzoff à son placide époux, pendant qu'ils étaient seuls dans la salle à manger. « Elle a l'air fatiguée, elle tousse un peu. J'ai peur qu'elle ne soit malade. »« Il faut faire venir le médecin, » dit sentencieusement le bonhomme. « On ne doit jamais négliger les premiers symptômes d'une maladie. » Souvent, une indisposition sans gravité dégénère en maladie dangereuse, faute de « Mon Dieu, que tu fais des phrases longues !» s'écria Madame Karzoff avec quelque impatience. « Le médecin est venu hier. Hein ? Bien. Qu'est-ce qu'il a dit ?»« Il a dit de continuer la potion, et de plus, il a indiqué une poudre. Hein ? Eh bien, elle ira mieux dans quelques jours, » proféra M. Karzoff, qui professait une vénération absolue pour les oracles de la faculté. Sa femme n'avait pas l'air aussi persuadée que lui de l'efficacité de ses remèdes. Elle resta silencieuse un instant. « Sais-tu, Karzoff, dit-elle ensuite, j'ai dans l'idée qu'Antonine aime plus ce Dvornov que nous l'avions pensé. Pourquoi l'aimerait-elle? T'en a-t-elle reparlé? Non. C'est-à-dire que depuis que nous sommes allés au cirque, elle n'a plus ouvert la bouche à son sujet. Ce qu'elle n'y pense plus. » Madame Karzoff secoua la tête négativement. « Antonine, à ce que je vois, n'est pas fait oublier ainsi cet homme qu'elle m'a supplié pendant si longtemps de lui donner pour époux. « Eh bien quoi ? » fit Karzoff, chez qui l'intelligence n'était pas élevée à la hauteur d'une vertu. Sa femme le regarda d'un air qui lui disait doucement « Tu n'es qu'un bien pauvre sire. » Puis elle haussa les épaules et s'appuya sur la table pour lui parler plus confidentiellement. « Nous avons peut-être eu tort de vouloir marier Antonine pendant qu'elle pensait à un autre, » dit-elle. « J'avais cru qu'elle oublierait. Elle n'a pas oublié. Avec le temps, cela viendra, mais à présent, si l'affaire n'était pas si engagée, j'aurais préféré rendre sa parole à Titolov. « Rendre la parole au général ? » s'écria Karzoff, comme si une maison lui était tombée sur la tête. « Ne crie pas si fort, il est inutile qu'elle t'entende. » « Oui, rendre la parole au général. Après tout, je me soucie peu du général. Antonine est notre fille, je veux qu'elle vive. » Madame Karzoff fondit en larmes. Son mari, plus hébété que jamais, la regardait la bouche ouverte et ne trouvait pas de parole. « Est-ce qu'elle est malade ? » balbutia-t-il enfin, après avoir noué ensemble une ou deux idées. « Je ne sais pas si elle est très malade, mais elle a des yeux qui me donnent à la fois de la frayeur et du chagrin. Elle a l'air de me pardonner ma conduite. J'ai voulu me fâcher contre ces yeux-là, et je n'ai jamais pu trouver ce que j'aurais voulu lui dire. « Eh bien, interroge-la, » fit Karzoff tout à fait bouleversé. « Je sais bien ce qu'elle me répondra. » Ce n'est pas la peine de l'interroger tant que je n'aurai pas causé avec Titolov. Toi qui es un homme, Karzoff, tu devrais te charger de cela. Vois un peu s'il sera disposé à nous rendre notre parole. J'essaierai, déclara bravement le bonhomme ému de voir pleurer sa femme, mais au fond, absolument terrifié à l'idée de parler à Titolov d'autre chose que d'affaires de la vie courante. Il sentait bien que la nature ne l'avait pas fait naître orateur, non plus que diplomate. Antonine entra dans la salle à manger en s'excusant de se lever si tard. Depuis quelque temps, elle avait de la peine à quitter son lit le matin. Le sommeil lui venait tard, et elle n'avait un peu de repos qu'entre 8 et 10 heures. « Cela ne fait rien, ma Nina, » dit Madame Karzoff. « Embrasse-nous, mon enfant. Nous ne sommes pas au régiment pour nous lever à la diane. » Surprise de tant d'indulgence, la jeune fille leva les yeux sur sa mère et vit qu'elle avait pleuré. Le remords l'assaillit. Ce n'était pas la première fois. Et elle pensa avec un douloureux serrement de cœur à la douleur que ses parents allaient éprouver bientôt. De leur côté, les vieillards regardaient Antonine. Qu'ils étaient changés, ces beaux yeux si purs autrefois, ce tamat où la vie circulait en dessous, riche et abondante. Les cheveux eux-mêmes semblaient s'être éclaircis sur les tempes, où se découvrait tout un réseau de veines bleues. Ils échangèrent un regard de pitié, un signe d'intelligence, et Madame Karzoff se mit aussitôt à causer avec sa fille d'une façon familière et joyeuse. « Veux-tu aller au concert ce soir ? » lui proposa-t-elle. « Je veux bien, » répondit Antonine avec indolence. « Il y a un beau concert à l'Assemblée de la Noblesse. Si tu veux, ton père nous prendra 2 billets. » Antonine regarda sa mère, croyant s'être méprise. « Pour vous et moi, maman ? » dit-elle. « Oui, pour nous deux. Nous prendrons une voiture et nous irons seuls en partie fine. » Sans Titolov. Cette joie inespérée ranima Antonine, qui consentit avec plus de vivacité qu'elle n'en avait déployé depuis longtemps. Le père sortit pour aller à son service et promit de rapporter les billets. Dans l'après-midi, le fiancé officiel arriva avec sa grâce ordinaire. il se trouvait plusieurs personnes au salon. Karzov, attardé par le détour qu'il avait fait pour prendre les billets, ne rentra qu'au moment où son futur gendre prenait congé des dames et ne put échanger avec lui qu'un salut et une poignée de main. En entrant dans la salle de concert, Antonine sentit le cœur lui manquer. La chaleur, les parfums, l'éclat des lumières, tout cet ensemble excitant des salles peuplées la fit défaillir. Elle se força pourtant à marcher d'un pas ferme et s'assit auprès de sa mère. Pendant les 15 jours qui venaient de s'écouler, elle avait senti le mal faire des progrès foudroyants. Les potions qu'elle jetait régulièrement, les poudres qui restaient dans ses tiroirs, avaient beau lui être prodiguées par le médecin de la famille. Celui-ci, homme peu intelligent, habitué à suivre sa routine, ne s'apercevait pas que si sa patiente avait observé ses ordonnances, le mal n'eût pas suivi cette marche rapide. Il ne se doutait même pas qu'il eût là autre chose qu'un rhume de printemps, provoqué par la rigueur anormale de la saison. Mais aux lumières, et grâce à la surexcitation de la toilette et de la musique, Antonine était plus belle que jamais. Ses yeux parcoururent lentement les galeries placées à l'étage supérieur et qui fait tout le tour de la salle immense. Ceux qui ne veulent pas faire toilette ou qui ne veulent pas passer 15 ou 20 francs une place dans l'enceinte réservée peuvent de là assister au concert moyennant un prix modique. Antonine savait que Dournov serait là. Elle lui avait fait dire par la Niania de ne pas manquer de s'y rendre. En effet, elle l'aperçut bientôt au-dessus de l'orchestre, précisément en face d'elle. Il lui envoya un baiser discret en posant ses doigts sur sa bouche. Elle répondit par un signe de tête et leurs yeux ne se quittèrent plus. Ils partirent ensemble pour ce pays enchanté de la musique, où tout est lumière et transparence, où la douleur même revêt quelque chose de vaporeux et d'immatériel. Les nerfs d'Antonine, si péniblement tendus depuis longtemps, vibraient comme les cordes des violoncelles. Elle était si heureuse d'aspirer avec son ami l'air embrasé de la passion que lui soufflaient les puissantes harmonies de l'orchestre, qu'elle avait oublié les horreurs qui l'attendaient. La symphonie s'acheva après quelques minutes d'entracte. Un ténor, extrêmement à la mode et digne de la faveur du public, s'avança sur l'estrade. Les instruments jouèrent la ritournelle et Edgar commença en italien l'air de la Lucie. Bientôt l'herbe des champs croîtra sur ma tombe isolée. Antonine, rejetée brusquement dans la réalité de sa vie, poussa un petit cri, fit un mouvement en arrière et perdit connaissance. Un grand brouhaha se fit autour d'elle. Les trombones couvrirent le mouvement qu'on fit pour l'emporter, et le ténor continua son air avec le succès le plus vif et le mieux mérité. Au moment où Antonine revint à elle dans le petit salon des dames où on l'avait transportée, des applaudissements frénétiques annonçaient la fin du morceau. « Pardon, » dit-elle, dès qu'elle put parler. « Je le regrette bien. Maman, allons à la maison. » On s'offrit à chercher leur voiture. La grâce et la beauté d'Antonine, ce je ne sais quoi de presque surhumain que la souffrance contenue donnait à ses yeux, avait amené autour d'elle plusieurs hommes de la meilleure société. Deux vieillards, des plus marquants parmi la noblesse, ne voulurent céder à personne le soin de la conduire à sa voiture. À la porte, sur l'escalier, se tenait Dournov, pâle et l'air sauvage. Antonine, qui le cherchait du regard, lui adressa un sourire angélique, mais si douloureux, que le jeune homme se sentit atteint au plus profond de son être. « Elle va mourir, » se dit-il. « Comment tout le monde ne s'en aperçoit-il pas ?» Il suivit le petit cortège et se tint près de la portière de la voiture. C'est sur sa main que s'appuie Antonine en montant sur le marchepied. Mais Madame Karzov était si troublée qu'elle ne le vit même pas. Cet évanouissement, après sa conversation du matin avec son mari, avait mis la terreur dans son âme. Elle ramena sa fille à la maison en la comblant de tendresse, qu'Antonine n'acceptait qu'à regret. Il lui en coûtait de tromper ainsi l'amour maternel dont elle avait douté et qui se révélait maintenant à elle. M. Karzov éploré descendit l'escalier en apprenant l'accident arrivé à sa fille et la soutint, aidée de son fils Jean, jusque dans sa chambre, malgré les instances d'Antonine qui lui assurait qu'elle se sentait tout à fait bien et que c'était un simple étourdissement causé par la chaleur. Madame Karzov voulut déshabiller sa fille elle-même et la voir dans son lit. Antonine eut beau s'en défendre, il fallut subir les soins inquiets de sa mère en larmes. Quand enfin elle eut assuré maintes fois qu'elle avait sommeil et qu'il fallait la laisser tranquille, Madame Karzoff se décida à se retirer et alla écrire un billet au docteur pour qu'il vînt le lendemain à la première heure. « Nia, nia, » dit doucement Antonine, alors que sa bonne, la croyant endormie, rangeait tout sur la pointe du pied. « Nia, nia, » descend vite dans la rue. « Dournoff doit y être. Dis-lui que je n'ai rien du tout et que le moment où nous nous reverrons n'est plus éloigné. Va vite. » La nia, nia allait faire une question, mais Antonine lui répéta « Vite !» et la pauvre vieille femme se hâta d'obéir. Elle revint au bout de quelques minutes. « Tu avais raison, mon ange, il était en bas. Il m'a chargé de te dire que tu dois te soigner, que tu lui as fait grand-peur et qu'il t'aime comme un fou. Enfant, enfant, quel jeu jouez-vous là? Il y a de quoi en mourir !» Un pâle sourire éclaira le visage d'Antonine qui murmura « Bonsoir !» et se tourna du côté de l'ombre. Toute la maison dormait quelques heures après, lorsque la nia nia se réveilla en sursaut de son premier sommeil. Il lui semblait qu'il devait arriver quelque chose de malheureux. Elle se leva à pieds nus et courut à la chambre d'Antonine, dont elle ouvrit la porte avec précaution. La jeune fille, toute blanche dans son vêtement de nuit, était à genoux devant les images, ou plutôt affaissée sur elle-même. Les mains ouvertes sur ses genoux, elle priait et pleurait. Des mots sans suite sortaient de ses lèvres. Elle avait tant pleuré qu'elle n'avait même plus la force de se relever. « Pardonne-moi, mon Dieu, » disait-elle, « pardonne-moi. Reçois-moi dans ton paradis. Je souffre trop. Quel chagrin pour lui et pour eux. Pécheresse que je suis, si Dieu me repousse, que deviendrai-je? Et je suis si jeune, ah mon Dieu, je n'en puis plus. » Elle allait tomber étendue sur le sol, mais la nia nia, qui l'avait écoutée, les cheveux hérissés d'épouvante, la reçut dans ses bras, et avec une force que l'âge lui avait ôtée depuis longtemps, mais que sa tendresse lui rendit pour le moment, elle enleva Antonine dans ses bras et la mit sur son lit. La jeune fille la regarda, la reconnut, lui sourit, et referma les yeux dans un second évanouissement. « Au secours! Au secours !» cria la nia nia. « Notre demoiselle se meurt !» La maison entière accourut, on employa les remèdes usités en parika, et Madame Karzoff se décida à envoyer immédiatement chez le médecin. Au bout d'une heure, celui-ci accourut. Il aimait Antonine qu'il avait vue naître, mais sa science n'était pas à la hauteur de ses sentiments. Il déclara un état nerveux très prononcé, protesta contre les émotions de toute nature et commanda le repos. Le lendemain, ou plutôt le jour même, quand le général Titolov se présenta à l'heure ordinaire, M. Karzoff le reçut d'un air embarrassé. « Mademoiselle Antonine se porte bien ?» demanda le galant fiancé après le premier bonjour. « Pas précisément, » répondit le bon vieux. « Nous voulions même vous dire... « Comment sera-t-elle malade ?» fit le prétendu, dont le visage prit aussitôt l'expression attristée requise en pareil cas. « Oui, c'est-à-dire, elle s'est évanouie deux fois dans la soirée d'hier. » Le général fronça ses sourcils qu'il haussa en même temps jusqu'au milieu de son front. Ce jeu de physionomie signifiait en langage poli « Quel malheur et combien vous m'étonnez !» Et le docteur, que dit-il, car je suppose que vous avez demandé les secours de l'art ? Sans doute. Le docteur dit qu'il faut éviter les émotions. Il commande le repos absolu, récita Karzoff, qui avait appris la phrase par cœur. Titolov leva les sourcils encore plus haut. « C'est très malheureux, » dit-il. Une jeune personne qui paraissait jouir d'une si excellente santé. Elle se portait fort bien. C'est depuis qu'elle est fiancée que... Titolov prit un air si grave que Karzoff ne put achever la phrase. Il en commença une autre en se disant que peut-être par ce bout-là ce serait plus facile. « Quand devez-vous quitter Pétersbourg, général ?» lui demanda-t-il d'une voix caressante. « Mais la seconde semaine après Pâques, dans tous les cas. » répondit le fonctionnaire d'un air morne. C'est fâcheux. C'est que, voyez-vous, général, je crains que notre fille ne soit pas rétablie pour ce moment-là. » Titolov sursauta comme si on lui avait enfoncé une aiguille dans le mollet. « Mais alors » fit-il avec beaucoup de points d'interrogation dans le geste et dans la voix. « Eh bien oui, général, » répondit Karzoff en baissant la tête comme si son chef immédiat lui avait infligé la plus énergique semonce. « Comment oui ? Je n'ose vous comprendre, monsieur. Car si j'en croyais mes oreilles... « Vous reviendriez sur une parole donnée. »« Je ne reviens pas sur une parole donnée, » dit Karzoff, redressant la tête. « Mais ma fille est malade, et le médecin lui défend les émotions, Et le mariage est une source d'émotion et, dans les circonstances présentes, enfin, s'il se rétablit promptement, comme nous l'espérons, en aucun cas elle ne pourrait s'engager dans les liens du mariage avant 4 ou 5 mois. Oui, 4 ou 5 mois, répéta Kerzhov avec complaisance, tout en pensant. Attrape, ça t'apprendra à me faire les gros yeux. 4 ou 5 mois, et moi qui dois être marié avant de partir, et il faut que je parte dans la quinzaine de Pâques, vous auriez dû me dire cela plus tôt, fit-il en se tournant vers Kerzhov d'un air furieux. Celui-ci se sentait assez penaud. Heureusement, il reçut du renfort. Madame Kerzhov entra dans le salon et sans même saluer son ex-futur gendre. « Ce n'est pas faux de n'avoir eu maintes fois envie, » dit-elle d'une voix sèche. « Vous auriez dû vous apercevoir que vous ne plaisiez pas à ma fille. »« Elle ne m'a jamais rien dit de désagréable, » répliqua Titolov, démonté par cette attaque inattendue. « Il aurait plus manqué que cela. » « Croyez-vous que nous soyons assez mal élevés dans notre famille pour dire des choses désagréables aux personnes que nous recevons ?» Une mêlée générale s'ensuivit, et Titolov se retira, en répétant d'un ton irrité. « On devrait prévenir le monde. Où trouverai-je une femme avant la quinzaine de Pâques ? Il faut que je sois à mon poste dans 5 semaines, et marié. Et la semaine sainte, on ne fait pas de visite. Mon Dieu, mon Dieu ! On devrait prévenir les gens. Cela ne ressemble à rien. » Jean Kerzhov, en entendant ce chapelet de jérémiade, passa la tête par la porte de sa chambre qui donnait sur le corridor et contempla d'un air placide la déconfiture du Titolov aboré. Quand la porte se fut refermée sur le général évincé, il prit son chapeau et sa pelisse, mais au moment de sortir, il se ravisa et entra chez sa sœur. Antonine, qui n'avait pu se tenir debout, était couchée sur un canapé. Sa robe de chambre accusait la maigreur qui l'avait envahie si vite. En voyant son frère, elle sourit et lui tendit la main. « On a expédié ton promis, » dit Jean. Il s'arrêta. Sa sœur s'était brusquement soulevée, et cramponnée au dossier du canapé, elle le regardait avec des yeux égarés. « Qu'est-ce que tu dis ? » fit-elle tout oppressée. « Ah, diable !» pensa Jean. On lui avait défendu les émotions. « Bon, celle-là ne peut pas lui faire de mal. » Il reprit avec plus de précaution. « Mon père vient de dire à Titolov que tu es malade et que, comme le général est plus pressé d'avoir une femme que nous de nous séparer de toi, il est à se pourvoir ailleurs. Es-tu contente ?»« Ah !» s'écria Antonine avec un cri déchirant. « Trop tard, trop tard !» À ce cri, les parents qui étaient restés dans le salon, sans se douter de l'incarta de leur fils, accoururent à la hâte. « Pardon, pardon, mes chers parents !» s'écria Antonine. « J'ai douté de vous. J'ai cru que vous ne m'aimiez pas assez. Pardon, qu'ai-je fait ?» Elle se tordait les mains et les regarda avec des yeux suppliants, pendant que de grosses larmes coulaient sur sa robe de chambre. « Elle a le délire !» s'écria la mère. « Vite, un calmant, c'est poudre !» Elle ouvrit le tiroir où le toutant avait mis les médicaments destinés aux enfants et poussa un cri. « Malheureuse, qu'as-tu fait ? Pardon, pardon !» dit Antonine en se laissant retomber sur l'oreiller. « Qu'y a-t-il ? » fit Jean en s'approchant, effrayé. « Les paquets sont tous là, elle n'en a pas pris un seul !»« Malheureuse enfant, tu voulais donc mourir ?» Antonine, sans répondre, fit un signe énergique qui pétrifia d'horreur tous les assistants. Une toux convulsive secoua sa faible poitrine. Elle porta son mouchoir à sa bouche pour l'étouffer et le jeta ensuite sur le tapis marbré d'un filet de sang. « Ah !» dit Madame Kerzhov en joignant les mains. « Si nous avons été durs envers toi, ma fille, tu nous as sévèrement punis. » Antonine ne répondit pas. Elle aussi était punie.